commandes. Jette la 8, c'est collant, c'est le Z aux commandes. Décollage imminent, c'est comment Frame, coup de volant, vous les faites, les faits affolants. Quand est-ce qu'on les prend? Non, volant, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment, vous les faites, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. Non, volant, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment, vous les faites, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. Le plus dur c'est de savoir par où commencer. 15 ans dans cette lutte, j'ai encore faim, j'ai pas trop mangé. La musique est belle, une vraie sorcière sans son maquillage. J'ai juste envie d'elle, je suis dans ses fesses, elle parle mariage. Depuis ma tendre enfant, j'entends que je finirai à l'usine. Ces têtes de con avaient raison, j'ai 30 ans, je suis près du vide. Même si demain je meurs, tu m'écouteras dans ta chambre. Même si mon seul but dans l'air c'est tous vous mettre à l'amende. Oh mais dis-moi qui a dit que j'étais un rappeur conscient. Sous tension, je vous encule, je fais jamais preuve de bon sens. Difficile de passer après nous sur scène. Tout ce putain de milieu sec qui met le feu à cette couleur peine. Avec un set marqué au sang sur l'étendard, la secte noire, t'as entendu ce que tu prétends voir. Tous ces trimards, y'a que la rue qui les fait bander. Si leur tête s'écrase entre toi, ils viendront pas s'en vanter. Cherche le Z dans tes mains pour le célébrer. Accélérer mes rimes n'est pas pour les décérébrer. Pénétrer ton esprit, il n'y a rien d'autre à vénérer. Éveillé, seule la terre et la mer n'aident à espérer. J'ai merdé, que Dieu nous pardonne de l'avoir déréglé. Maintenant j'ai les dés unifiés et je n'en ai aucune idée. J'emmerde le monde en toute impunité. Rien que pour rien crucifier la lettre la plus rythmée. Mais pas seconde, flamboyante comme les ailes du phénix. Elle m'aide à rentrer chez moi comme la bretelle du périph. J'ai promis que je ferais du sale, alors j'essaye tous les jours. Me rappeler toutes ces journées qu'on a passées sous les tours. C'est toute l'histoire de notre ville que l'on porte sur le dos. Ils aiment les armes en plastique, mais on joue pas pour de faux. Les trois qui sont avec moi, je les connais depuis ma jeunesse. Si quelqu'un touche un seul sur la vie de ma mère, je le pèse. Non, volant, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment? Fous le feu, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. Non, volant, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment? Fous le feu, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. Qui tu es, on s'en bat les reins, j'ouvrais trop les mains. La pesette est prête, tu peux appeler le bolivien. Artisan, pas musicien, fils dans la rue, pourtant j'suis pas un chien. J'peux m'en aller, mais j'oublie pas d'où j'viens. Que des coups de couteau, ma dîme capère. La blanche est pure, les narines sont ouvertes. Ce soir j'te tue en position brouette. Si j'viens tirer, j'viens pas tirer en l'air. Si t'as connu la paix, c'est t'as connu la guerre. Sans blanc, j'arrive au contact. Dans le sac y'a des buds, on range des scuds, on plaque. J'écoute pas leur pseudo rap, que de la chat, c'est dommage. 7 à 77, tous mènent au tap. La haine en collab depuis le cartable, toujours en rodage. Beaucoup d'aller-retour avant le sautage. Traîner dans le four, ça donne la pommade. Rejoins le parce que ça soulage. Corbeau ajouté le renard pour un fromage. Il est 15h, j'ai les yeux rouges, j'suis déjà dans le coma. Allez bouge, j'ai la frappe du rock, malaise, moi seul. T'es un sueur comme un skin dans le haut mon truc. Non, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment? Fous le feu, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. Non, volant, c'est comment? On commande, décollage imminent, le shit est collant. C'est comment? Fous le feu, les faits affolants. On les prend dans les temps, on reprend les devants. J'ai beau leur rapper dans l'oreille, ils n'ont jamais vraiment rien en trappe. Faisais ça que pour l'oseille, y'a bien longtemps j'aurais cramé que c'est pas rentable. Même, on sent pas l'Yari. Dis-moi c'est comment, oui, surtout évite de nous raconter ta vie. À deux pas de la porte de Paris, l'usine fabrique de la bombe et t'es les corps à l'abri. J'traîne le blue jean dans la face, Satanoukine dans leur race. Comme Pavarotti, j'ai la classe, j'te gagne en roulis sur la poisse. Macaroni à la classe, que de la saloperie à la brasse. Cache tout cookie dans la masse, que j'coupe, monsieur à la trace. Yeux rouge, monsieur à la frappe, aucun d'entre la chair à la grappe. La cour c'est calé, prends l'escalier dans l'ascenseur, tu peux te bloquer. J'viens les coquer, les pas choquer. J'suis Vegeta, j'suis Sasuke. Tu veux que j'tabasse le beat, tu vas ralasse le beat. C'est pour les grands, les petits, ici tout va trop vite. Y'a quoi sauter dans le vide, fais-moi fumer de la weed. Poto, j'ai mal au beat, le Z en première ligue. Frère, j'suis dans la paix, pas la guerre. Pourtant, j'viens niquer des mères. Litron de pilon, litron de oui-oui. J'évite la coco quand j'parle de Bibi. Se prennent tous pour des dealers. J'avais promis d'arrêter à l'inspecteur. Lui qui a le droit de venir me fouiller, qui a le droit de me braquer cagoulé. Même faut que je me casse de la caisse, prenne un cœur dans le sud. Dans ma tête c'est la mer, car tout se présente. Tu pétas ne plaisante plus, il veut la mettre dans le cul. Mais maintenant j'ai la main sur ma monnaie en brut. Achetez-moi des CD, appelez-moi en concert. J'ai le mic dans la main, je leur montre comment on s'en sert. Je vais prendre ce qui m'appartient avant commentaire. Laisse donc un commentaire, viens voir le fond de l'enfer.